tonton Charles, Volembate, Yango bakata yo kamo, kaka tanga wiso ya mero ya batonge. Boko lembanga, eh? Bolingo bapesaka yo tonton Charles, kwa kolanda bala soare na bijoure, tonton Charles. Bolingo bapesaka yo tonton Charles, kwa kolanda bala soare. Tonton Charlie, Koba moyen mingue. Tonton Charlie, Akabata la cimate. Zame a salamato motindo, motindo. Oui, banayona tonton Charlie, surtout yo moi si. Kebana bazou anaye, naba mon wapesa kayo. Tonton Charlie, Alula naye lo yengeo. Ta somba 4 fois 4 naye a comment qui salela Alula bati 7e âge a j'ai banana et pona pasto a fuma ba vitre voiture naye wa kumba ka ba monaye te o tonton Charlie o kayé Bilongi mona na kate bambanda se bana na ngai na kamwe yo tonton Charles a koma vedet un pon na mbongo tonton Charles basi balanda ka e pon na mbongo oba yebi yende mobikisi oya ye oba yebi mama yende samba ya mbongo Oba yepi, yende bon payeur. Oba yepi, yende jamais fauché. Mama, oh moni tonton Char. Il suffit à yoka, a bengaye tonton Char. Il suffit à yeba, adresse non emploi du temps d'ailleurs. A côté d'enveloppe, tonton Char. Pingame et mi bali balanda kaye pona mbongo Ma koma ba surveillant Ya tonton Charles Tonton Charles Aye mi ba seme kite o Ba si nyo so komo nana mi so na ye A si na ye A kamarade ya banana ye A ba si nyo so ba si na ye Ba si ya ba ninga na ye Ma kamola kaye ba si na ye Oh tonton Charles Na lobi na yo Li solo yo Eza li solo eza molai Na lobi no Bolite Bolite Papa, grand frère Na lobi na yo Na lobi soute Yo moko yebi tonton Charles Koutana na ye Moko yeba Denge tonton Charles Ah Ako bala koko waka mbongo na helikopter Kiye Bolingo bape sakayo tonton Tonton Charlie, cheval, cheval, cheval vapeur. Sans la solidarité.